Jesus. Amen. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today, I'm sure later I'll talk about repentance a little bit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with the message of the rise and fall of Satan. Es geht weiter mit der Botschaft über den Fall und Aufstieg des Teufels. Praise the Lord. Hallelujah. If you do not know Satan, wenn wir den Teufel nicht kennen, you cannot be thankful to Christ. Werden wir Christus nicht dankbar sein können. You cannot say thank you to Jesus. Wir können nicht Dank sagen zu Jesus. If you do not really know Satan, wenn wir den Teufel nicht kennen. And you know, we need the Holy Spirit to help us to know who Satan really is. Wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich zu verstehen, wer der Teufel ist. If you look at everywhere today, his lies are so many. Überall sind seine Lügen verbreitet. And he even used the Bible. Er nutzt sogar die Bibel. To promote his lies. Um seine Lügen zu verbreiten. To back up his lies. Um seine Lügen zu unterstützen. Is somebody getting it? He used the word of God against God. At all times. And use it for his own purpose. Praise the Lord. Hallelujah. If we do not know Satan, we will not know the magnitude of what Christ did for us. How great it is. Amen. There have been nothing in this world that could save us. Es gab nichts auf dieser Welt, was uns from the hand of Satan. Von der Hand des Teufels. Nothing here. Nichts. Amen. Amen. Nothing. Nichts. Amen. Amen. That could give us the permanent victory. Was uns permanenten Sieg geben konnte. That could save us permanently. Was uns permanent retten kann. Amen. Amen. Even the old lamp. The old lamp. Selbst das the old sacrifice. Selbst die alten Opfergaben. The old sacrifice was not able to save us permanently. Sie war nicht in der Lage, uns ewig zu retten. Because the lamb was only always from the people. Weil dieses Lamm war immer von den Leuten. Are you getting something? The animal was always from the people. Dieses Tier war immer von den Leuten. Amen. Amen. Nothing here can save us. Nichts hier auf Erden kann uns retten. Nothing here could save us. Nichts konnte uns retten. Amen. Amen. The high priest have to also, you know, to also pay for his own sin. Der hohe Priester musste selber für seine eigenen Sünden zahlen. Not just for the people, also for himself. Nicht nur für die Sünden der Leute, sondern are you getting something? That alone will help you to know that there was nothing that could save us here. Das heißt, dass nichts uns hier retten konnte. Everything we were polluted. Alles war verunreinigt. Amen. Amen. But Jesus did not be. He was not, you know, he was not just. He was not a natural. The natural high priest. Let me put it that way. War kein natürlicher Hohepriester. He did not need to offer any sacrifice for himself, to clean himself. I don't know if somebody is getting it. Amen. Amen. He did not need to pay for his own sin. But the old, you know, the high priest have to even pay for his own sin. Let's go to Hebrew, the book of Hebrew. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, Jesus did not have any sin. Erinnert euch, Jesus Christus war sinnlos. But the high priest, aber der hohe Priester, he himself was also a sinner. Er war selber ein Sünder. Is somebody getting it? You know, all this will help you to know the magnitude of what Jesus paid for, who Jesus really is. Das zeigt dir wirklich, was Jesus Christus ist und was bezahlt hat. How great he is. Wie großartig ist. Amen. Hebrew 9. Hebräer 9. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 9. Hebrew 9. We will read from 6, verse 6. Verse 6. He said, now when these things were thus ordained, Here, if you read it from the beginning, it talks about the temple. Hier geht's um den Tempel. Then it says, now when these things were thus ordained, the high priest went also into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Verse 7, but into the second went the high priest. Amen. The high priest alone. Number 6, verse 6 said, and when these things were thus ordained, the priests went away always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Then in verse 7, we said, but into the second went the high priest. You know, there were two tabernacles. Es gab zwei Zelte. One is just the priest that was able to go there. In ein Zelt konnte just nur priest. Ein Priester gehen. Then the other one, the high priest. Und beim anderen nur die Hohepriester. Amen. Mm-hmm. Where you can forgive sin, it's only the high priest that could go there. Dort, wo die Sündenvergebung passiert, da konnte nur der Hohepriester rein. Amen. Mm-hmm. It's about into the second when the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He himself was a sinner. Der Hohepriester selbst war ein Sünder. He needs forgiveness. Er brauchte auch Vergebung. Jesus was not a sinner. Aber Jesus war kein Sünder. He was the high priest. Er war der Hohepriester. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can see the difference between the new and the old. Zwischen dem Alten und dem Neuen. Where that of Jesus is so perfect. Wo das von Jesus immer vollkommen ist. You know, that of, the old was always yearly. Das Alte war immer jährlich. Amen. Mm-hmm. The forgiveness was yearly. Vergebung war immer jährlich. Every year people have to make this sacrifice. Jedes Jahr mussten Leute dieses they have to bring the lamb. Das Lamm bringen. Praise the Lord. Halleluja. The old was only a shadow of things to come. Das Alte war nur ein Schatten von Dingen, die kommen sollten. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Sorry. Mutter von Ralf hat gesagt, dass wenn jemand da ist, der Französisch übersetzen kann, mm-hmm. I should call her. Okay. Weil sie hat heute einen Arzttermin gehabt, deswegen ist sie in Moers. Okay. Genau, also okay, kann einer von euch dann übersetzen? Mm-hmm. Ich rufe sie dann an. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Please, I really want us to understand everything properly. Amen. Amen. We started with the message, you know, of the fall, the rise and fall of Satan. Wir haben angefangen mit der Botschaft über den Fall und Aufstieg des Teufels. And we are still going to continue with it. Es wird weitergehen damit. Aber du hast ja weg mit dem Monte et le Tombe du Diable. The Lord wants us to really know who Satan is. Der Herr möchte wirklich, dass wir wissen, wer der Teufel ist. Dieu veut qu'on puisse savoir qui est réellement le diable. If you do not know Satan, si tu ne le connais pas, you cannot be thankful to Christ. Wenn wir Christus nicht dankbar sein können, tu ne pourrais pas remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. If you do not know Satan, who he really is, wenn wir nicht wissen, wer der Teufel wirklich ist, si tu ne connais pas qui est le diable, you cannot even know the magnitude of what Jesus Christ did for us. Wirst du die Größe von dem, was Jesus Christus für uns getan hat, gar nicht erkennen? Tu pourras pas comprendre la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. There was nothing here to save us. Es gab nichts, was uns retten konnte. Il n'y avait rien pour nous sauver. Nothing could save us. Nichts konnte uns retten. Rien pouvait nous sauver. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There was nothing here on earth that could save us permanently. Es gab hier nichts auf Erden, was uns beständig retten konnte. Ici sur terre, il n'y avait rien qui pouvait nous sauver permanent. Even the old lamb. Selbst das alte Lamm. Même l'arrière brebis. L'agneau. Pardon. Même l'agneau. The old lamb was not from God, but from the people. Das alte Lamm war von den Menschen, aber nicht von Gott. L'agneau passé, c'était des gens, mais ce n'était pas de Dieu. Remember, nothing here could save us. Rappelez-vous, il n'y avait rien qui pouvait nous sauver. Because everything here, dear, we are, they are all polluted. Denn alles ist verunreinigt. They are defiled. Alles war verunreinigt. Parce que tout ce qui est ici au monde, c'est pollué. Including the high priest. Genauso auch der hohe Priester. Même les pasteurs. The high priest have to pay for his own sin. Der hohe Priester musste für seine eigenen Sünden zahlen. Les grands prêtres devaient payer pour leur propre péché. Jesus did not need to offer any sacrifice for his own sin, because he did not have any sin. Aber Jesus musste kein Opfer geben für seine eigenen Sünde, weil er hatte selbst keine Sünde. Mais Jésus ne devrait pas donner des sacrifices pour ses propres péchés parce que lui il n'avait pas des péchés. Remember the difference between the old priest and Jesus as a priest. Erkenne den Unterschied als Jesus Christus, der alte Hohepriester, und Jesus Christus als Hohepriester. Faut comprendre la différence entre les grands prêtres et Jésus-Christ. Jesus had no sin. Jesus hatte keine Sünde. Jésus n'avait pas des péchés. But the high priest was also a sinner, like the people. Aber der hohe Priester war auch ein Sünder wie die Leute. Mais à l'époque, les grands prêtres étaient aussi des pécheurs comme tous les gens. Look at Hebrews 9, please. Hebrews 9. On peut regarder Hébreux 9. He had revealed to us that there were two tabernacles. Hier wird uns offenbart, dass es zwei Zelte gab. Ici, on a vu que on avait deux camps. We will read from verse 6, please. He said, now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Verse 7. He said, but into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Amen. Amen. Can you read it? Mm-hmm. Cette assemblée était étant ainsi installée, les prêtres entraînent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang de sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que les peuples a commises par ignorance. Praise the Lord. Amen. This high priest was a sinner. Just like the people. Priester war ein Sünder wie die Leute, wie Menschen. Amen. Le grand prêtre était aussi un pécheur comme toute autre personne. And the sacrifice he had to offer was not only for the people, also for himself. Und dieses Opfer, was er geben musste, war nicht nur für die Menschen, sondern auch für sich selbst. Et le sacrifice qu'il devrait offrir, c'était pas seulement pour les autres personnes, c'était aussi pour lui-même. The old was only a shadow of things to come. Das alte war nur ein Schatten von den Dingen, die noch kommen sollten. L'ancien, c'était seulement un ombre pour ce qui devrait arriver. Let us go to verse 12 and 13. 12 und 13. Verset 12 et 11, et 13. Praise the Lord. Maybe we can even let me see. Let us continue from verse because I want to shorten it because of what we have later today. Amen. Amen. Then from verse 9. Verse 9. We read it to 13. Amen. Mm-hmm. 9 and 13. It says, which was a figure of for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Praise the Lord. Amen. Even that sacrifice could make the priest himself not perfect. Auch dieses Opfer konnte den Priester selbst nicht reinmachen. Même le sacrifice ne pouvait même pas mettre le grand prêtre parfait. We know that Jesus is perfect. Wir wissen, dass Jesus vollkommen ist, der vollkommene Priester. On sait que Jésus-Christ, il était parfait, il est parfait. Then in verse 10, he said, which stood only in meat and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. But Christ being come and high priest of good things to come. That's verse 11. Verse 11. Amen. Here, the Bible said Jesus Christ is a high priest. Hier sagt die Bibel, dass Jesus Christus der hohe Priester ist. En verset 11, on voit que Jésus Christ, il est aussi un grand prêtre. Amen. But Christ being a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle. Amen. Not made with hands. A building not made with hands. Ein Gebäude, was nicht mit Händen gemacht worden ist. Ein Tabernakel, qui n'a pas été fabriqué par les mains humaines. The old tabernacle was made with hands. Der alte Tempel wurde aus Menschenhand gemacht. L'ancien tabernacle a été fait avec les mains humaines. Jesus' body is our temple today. Aber der Körper von Jesus ist unser Tempel heute. Mais le corps de Jésus-Christ est notre temple. And it is not made with hands. Et ça n'a pas été fait avec la main d'humain. Praise the Lord. Amen. That is to say, not of this building. Then in verse 12, he said, neither by the blood of the goat and calves, but by his own blood, he entered in once into the high place, having obtained eternal redemption for us once. Und das einmalig. Once. Einmalig. Seulement une fois. The old high priest was always going. Der alte, every year. Der musste jedes Jahr da rein. L'ancien grand prêtre, il devait toujours changer. Il n'était pas toujours la même personne. Are you getting it? But you know, Jesus is just the price he paid it just once. Aber Jesus hat den Preis einmalig bezahlt. Les grands prêtres partait plusieurs fois là-bas, mais Jésus-Christ, il a payé le prix seulement. He did not need to repeat it every year. Il ne musste es nicht jährlich wiederholen. Jésus-Christ n'a pas dû le répéter chaque fois, chaque année. Because of the lamb, which is the sacrifice. Wegen diesem Opferlamm. Parce que à cause du sacrifice que c'est l'agneau. Because of the heavenly lamb. Wegen dem himmlischen Lamm. Pour l'agneau divin. Because the lamb was perfect. Weil das Lamm vollkommen war. Parce que l'agneau divin a été perfect. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The lamb had a perfect blood. Das Lamm hat das vollkommene Blut. Cet agneau avait un sang totalement parfait. His blood was not contaminated like the blood of man or animal. Sein Blut war nicht verunreinigt. L'agneau là, son sang était pur et c'était pas contaminé. Von den Tieren. In verse 13, it says, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh. Then in verse 14, how much more shall the blood of Christ? Are you getting something? Yeah. Who through the eternal spirit offer himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see how great Jesus is. Ihr könnt sehen, wie groß Jesus Christus ist. You can see that his blood is different. Dass sein Blut anders ist. L'homme doit voir comment Jésus-Christ est grand, que son sang il est seulement différent. Let's also read verse 15 so that you can get it better. Amen. 15. He said, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Praise the Lord. Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont été qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui aient péché sur la première alliance. Amen. Amen. And you can see that it was the people that were bringing the lamb. Und wir können sehen, dass es waren die Leute, die das Opferlamm gebracht haben. Et là, on peut voir que c'était les humains qui ont toujours amené l'agneau. Remember that also the animals, they were polluted when man fell. Denn ihr müsst euch daran erinnern, dass selbst die Tiere verunreinigt wurden, als der Mensch gefallen ist. Il faut aussi se rappeler que même les animaux étaient aussi pollués quand Adam et Ève ont péché. Since then, nothing here has been perfect. Und seitdem ist hier nichts auf der Welt vollkommen. Depuis là, dans ce monde, il n'y a rien qui était parfait. But we need a perfect blood. Wir brauchen ein vollkommenes Blut. Mais on avait besoin d'un sang parfait. We need somebody that is so perfect. Wir brauchen jemanden, der vollkommen ist. On avait eu besoin de quelqu'un qui était that, parfait. That can pay the price. Der den Preis bezahlen kann. Qui était capable à payer ce prix. Let us go to John 1, verse 27. Johannes 1, 27. Jean 1, 27. Oh, 29 is okay. Amen. John 1, 29. Let us go to only 29. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 29. The next day, John saw Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, and not the Lamb of man. Siehe das Lamm Gottes und nicht das Lamm der Menschen. I will get this onto you. Jean 1, 29, il dit que c'est l'agneau de Dieu et pas l'agneau de ce monde. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. L'agneau de Dieu. The Lamb of man could not save us. Denn das Lamm der Menschen konnte uns nicht retten. Parce que l'agneau de ce monde ne pouvait pas nous sauver. Because the Lamb was not perfect. Weil das Lamm nicht vollkommen war. Parce que c'était pas parfait. People have to, you know, the priest have to be repeating it every year, year after year. Der Priester musste dieses Opfer immer wieder holen. À l'époque, les prêtres devaient toujours répéter le sacrifice de l'agneau chaque année. I said, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Praise the Lord. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a enlevé le péché du monde. Behold the animal from God. Seht das Lamm von das Tier von Gott. L'agneau de Dieu. And not from man. Und nicht von Menschen. Pas l'agneau des hommes. Amen. It is like Genesis 3 verse 7. Es ist wie 1. Mose 3, Vers 7. C'est comme en Genèse 1, Vers 7. 1, 7. You know, after the disobedience, the rebellion. Nach dem Sündenfall. Après la rébellion. They discovered that they were naked. Haben sie erkannt, dass sie nackt sind. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. And they saw something to cover themselves. Und sie haben etwas gebastelt, um sich zu schützen. Ils ont dû coudre quelque chose pour se cacher. But in verse 21 of, you know, of the same chapter, God himself covered them. Aber in Vers 21 steht dann, dass you can Gott go there by yourself. Amen. Bedeckt. Et en verset 27, on voit que c'est Dieu lui-même qui a dû coudre quelque chose pour leur... God made a pure blood. Gott brauchte heiliges Blut. Dieu avait besoin d'un sang totalement pur. And he knows that he had his own lamb. Und er wusste, dass er sein eigenes Lamm hat. Et il savait qu'il avait son propre agneau. Heavenly lamb. Das himmlische Opfer. Un agneau divin. We need heavenly lamb to save us. Wir brauchen ein himmlisches Lamm, was uns retten kann. On avait besoin d'un agneau céleste pour nous sauver. No earthly lamb could do the job. Nur das kein irdisches Lamm konnte das tun. Il n'y avait aucun agneau terrestre qui pouvait faire ce travail. Again, John 1. Look at verse 30 and 31. Johannes 1, 30-31. Jean 1, 30-31. He said, this is he of whom I said, after me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. Amen. Then in verse 31 said, and I knew him not. The Lord spoke to me a lot concerning here. Und er hat sehr viel zu mir gesagt über diese Stelle. Amen. Amen. He said, and I knew him not. Und ich kannte ihn nicht. Et là, je lui connaissais pas. You know what John just said. Wisst ihr, was Johannes hier gerade gesagt hat? Vous savez ce que Jean disait ici dans ce... He said he did not know Jesus. Er sagt, er kannte Jesus nicht. Il disait qu'il ne connaissait pas Jésus. We cannot know people naturally. Wir können natürlich gesehen Leute nicht kennen. Naturellement, on ne peut pas connaître les gens. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen to help us to know things. Um Dinge zu wissen. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à connaître les choses. Here John said, I myself don't know him. Hier sagt Johannes, dass er selbst Jesus nicht kennt. Jean dit lui-même, il connaissait pas Jésus. Remember who John is. Erinnert euch, wer Johannes ist. Rappelez-vous de qui était Jean. He has been telling us that God is going to fix his kingdom back. Er hat uns erzählt, dass Gott sein Königreich wiederherstellen wird. Il nous a expliqué que Dieu va arranger, remettre son royaume en place. And he saw Jesus and he said, this is the one. Und er hat Jesus erkannt. Et il a reconnu Dieu. Jésus Christ. But here he said, I don't know him. I did not know him. Und er hat aber dennoch gesagt, dass er ihn nicht kennt. Mais dans l'autre temps, il dit encore qu'il ne le connaît pas. Let me tell you the natural relationship between Jesus and John. Und ich erkläre kurz die natürliche Beziehung zwischen Johannes und Jesus. Je vais vous expliquer la relation naturelle entre Jean et Jésus Christ. Praise the Lord. John was the cousin to Jesus. Johannes war sozusagen der Cousin von Jesus. Jean était le cousin de Jésus. Do you remember? Si vous vous rappelez. And they grew together. Ils sont zusammen aufgewachsen. Ils ont vécu ensemble. Grandi ensemble. They both grew together in the same yard. That's John and Jesus. Johannes und Jesus. Jean et Jésus, ils ont grandi ensemble. Remember Elizabeth and Mary. They were family. I don't know if you remember. Elizabeth et Marie, elles étaient des amis. They were all family. Sie waren Familie. John and Jesus played together. Johannes und Jesus haben zusammen gespielt. Jean et Jésus, ils ont joué ensemble. And John was only 6 months older than Jesus. They were age mates. Johannes you get something. Nur 6 Monate älter als Jesus. Jean était 6 mois plus âgé que Jésus-Christ. They played in the same village. Sie haben im gleichen Dorf gespielt. Ils ont joué dans le même village. They were all living together in Nazareth. Sie haben Nazareth zusammen gelebt. Ils ont vécu ensemble à Nazareth. They were family. Sie waren Familie. Jean et Jésus naturally. Naturellement. Amen. Amen. And John said, I did not know him. Aber I don't know if you are getting something. Hat Johannes gesagt, dass er ihn nicht kennt. Mais Jean dit qu'il n'a pas connu Jésus. We need the Holy Spirit to help us to know things. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Dinge zu wissen. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre quelque chose. We need the Holy Spirit to help us to know people. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Leute zu erkennen. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à We need the Holy Spirit to help us to know who Satan is. Um auch zu erkennen, wer der I don't know if you are getting something. On a besoin du Saint-Esprit pour reconnaître qui est le diable. We need the Holy Spirit to help us to know the lies of Satan. Wir brauchen auch den Heiligen Geist, um diese Lügen des Satans zu entlarven. On a besoin du Saint-Esprit pour nous montrer le mensonge du diable. Without the power of the Holy Spirit, you cannot know the truth. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du die Wahrheit nicht kennen. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas reconnaître la vérité. Lies sound like truth more than the truth. Weil Lügen hören sich dann mehr an wie Wahrheit. Parce que les mensonges, ça va s'écouter comme... Are you getting it? Praise the Lord. Amen. In 2 Corinthians 4:4. The Bible said that the God of this world blinded. Look at, let's go there. 2 Corinthians. 2 Corinthians 4:4 dit que le Dieu de ce monde nous rend aveugles. Without the power of the Holy Spirit, your eyes can never be opened to the truth. Ohne Kraft des Heiligen Geistes kann deine Augen sich nicht gegenüber der Wahrheit öffnen. Sans la puissance du Saint-Esprit, on peut pas reconnaître la vérité de Dieu. You cannot know who Satan is. Wir werden nicht wissen, wer der Teufel ist. Tu seras pas capable de savoir qui est le diable. You cannot know his lies. Wir werden seine Lügen nicht erkennen. Tu vas pas reconnaître ses mensonges. Jesus said it in John 16. Jesus hat es in Johannes 16 gesagt. Jésus a dit ça à Jean 16. He said the Holy Spirit will reveal all the truth to us. Là, il nous a dit que le Saint-Esprit va nous aider à reconnaître tout. It is only with the power of the Holy Spirit we can know what sin, what the real sin is. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir die wahrhaftige Sünde erkennen. Seulement avec la puissance du Saint-Esprit on peut reconnaître la vérité de Dieu. It is only with the power of the Holy Spirit you can know who your real parents is. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes wirst du erkennen können, wer deine wahren Eltern sind. Seulement avec la puissance du Saint-Esprit que tu peux reconnaître, savoir qui est vraiment tes parents. It is only with the power of the Holy Spirit you can know who are your friends. Und genauso nur mit der Kraft des Heiligen Geistes kannst du erkennen, wer deine wahren Freunde sind. C'est seulement avec le Saint-Esprit que tu peux reconnaître qui sont réellement tes amis. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 4, it said, in whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ qui lui est image de Dieu. The God of this world, der Gott dieser Welt, le Dieu de ce monde, has been very successful, war sehr erfolgreich, a fait son travail en succès, blinding people towards him and towards the true God. Leute gegenüber ihm selbst und gegen den wahrhaftigen Gott zu verblenden. Il a aveuglé le monde pour la vérité à travers. Especially in the church. Besonders in der Gemeinde. Surtout dans les églises. And everywhere in the world. Und überall auf der Welt. Et partout dans ce monde. Amen. Amen. His number one weapon is ignorance. Seine Nummer eins Waffe ist die Ignoranz. Sa première, son premier arme, c'est l'ignorance. He makes sure you don't know him. You never believe he exists. Il fait genre que tu puisses pas croire qu'il existe. Dass du seine Existenz anzweifelst. Donc que tu puisses douter de son existence. And ignorance means darkness. Und Ignoranz bedeutet Dunkelheit. Et l'ignorance, c'est être dans le sombre. If you are blind, you are in darkness. Wenn du verblendet bist, bist du in der Finsternis. Si tu es aveuglé, tu es dans l'obscurité. Voilà. Praise the Lord. He wants us to really know who Satan is. Der Herr möchte, dass wir aber wissen, wer der Teufel ist. Dieu veut qu'on puisse comprendre, savoir qui est le diable. So be wise, you know, be careful of his lies. Wir sollen uns nachdenken von seinen Lügen. Amen. Beware of his lies. Il faut faire attention de tous ses mensonges. Amen. Amen. The cherub angels protect the world from God. Die cherub engel, sie verteidigen Gott von der Welt. Les chérubins, ils verteidigen Gott vor der Welt. Les chérubins sont en train de défendre Dieu. They protect. The cherub angels. They protect the world. They protect us from God anger. Okay. Sie schützen uns Menschen vor dem Zorn Gottes. Les chérubins nous protègent devant la colère de Dieu. Especially before the coming of Christ. Besonders bevor Jésus komme. Et surtout avant que Jésus-Christ puisse revenir. Because then it was without the blood. Denn damals gab es das Blut nicht. Parce que avant, il n'y avait pas le sang de Because Jesus. God hates sin. Denn Gott hasst Sünde. Parce que Dieu, il déteste le péché. He cannot stand sin. Er kann Sünde nicht ausstehen. Il ne supporte pas le péché. The cherub are not to protect God, but to protect us from God. Die chérubins, die schützen nicht Gott, sondern sie schützen uns vor Gott. Donc les chérubins, ils protègent pas Dieu, ils nous protègent nous envers Dieu. They protect us from the power of God's holiness. Sie schützen He is too holy. Are you getting something? Sie schützen uns vor der Kraft Gottes und vor der Heiligkeit Gottes. Ils nous protègent devant la puissance de Dieu. They protect us from God's holiness that can destroy us instantly if we get into the presence of God without His blood. Sie schützen uns vor der Heiligkeit Gottes, die uns sofort zerstören würde, wenn wir ohne das Blut vor seinen Thron gehen. Ils nous protègent devant la sainteté de Dieu si on osait partir sans le sang de Jésus devant le trône de Dieu. Because God hates sin. Denn Gott hasst Sünde. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. No one can stand before him. Niemand kann vor ihm stehen. Personne peut. Without grace. Ohne Gnade. Personne peut venir devant Dieu sans la grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, there was time when one priest touched the ark without the blood. Instantly, they were killed. Erinnert euch, dass es gab einen Moment, wo ein hoher Priester die das Zelt angefasst hat und dann direkt getötet wurde. Vous vous rappelez qu'il y avait un temps où il y avait eu un grand prêtre qui avait touché le tabernacle et on avait tué il a été tué directement. Let's go to 1 Samuel 6, verse 19. Parce qu'il n'était pas sous la protection du sang. Verse 19 of 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, verse 19. 1 Samuel 6, verset 19. He said, and he smote the men of Beth Shema, because they had looked into the ark of the Lord. Are you getting something here? Vers 19, und schlug einige der Beth-Shemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Even his most of the people and commissioned 50,000 and 80 and 10 men, and the people lamented because the Lord has smitten many of the people with a great slaughter. L'Éternel frappa 70 habitants de Beth-Semesh parce qu'il avait regardé dans le coffre de l'Éternel. Le peuple prit le deuil à cause de ce grand flot que l'Éternel leur avait infligé. To look at the ark at all means death without the blood. Wenn man in diese Lade des Herrn schaut ohne das Blut, heißt das sofortiger Tod. Donc quand on va vers Dieu sans la protection, sans le sang de le sang, ça signifie la mort directement. We need grace. We need grace to stand before the only true God. Wir brauchen die Gnade, um vor dem wahrhaftigen Gott zu stehen. Go to Hebrews 4. On a besoin de la grâce pour être devant l'Éternel. Hebrews 4, please. Hebrews 4. Amen. Mm-hmm. Hebrews 4, verse 16. Hebrews 4:16. He said, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace." Are you there, please? Mm-hmm. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. The throne of grace means blood, Christ's blood. Der Thron der Gnade bedeutet das Blut von Jesus Christus. Le trône de Dieu, de la grâce de Dieu, ça signifie le sang de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. The finished work of Christ das fertige Werk is the throne of grace. Das fertige Werk von Christus ist der Thron der Gnade. L'accomplissement du travail de Jésus Christ, c'est le trône de la grâce de Dieu. Without grace, God could do nothing with any man. Ohne Gnade kann Gott mit den Menschen nichts anfangen. Sans la grâce, Dieu ne peut pas travailler avec les gens. Even in Old Testament, the Bible said Moses found grace before God. Noah found grace before God. Steht immer, dass Mose Gnade gefunden hat vor Gott oder dass Noah Gnade gefunden hat vor Gott. Même dans l'Ancien Testament, il est toujours écrit que même Moïse, il a trouvé la grâce devant Dieu. Donc, praise the Lord. Il a eu grâce devant Dieu. Before God created man, God conceived man. Bevor Gott den Menschen erschaffen hat, hat er ihn empfangen. Avant que Dieu puisse créer l'homme, il avait empfangen, il avait accueilli, il avait accueilli et reçu les gens. It means Lucifer knew about you before you know about yourself. Das heißt, Lucifer wusste schon von dir, bevor du überhaupt von dir selbst wusstest. Donc ça signifie Lucifer, il connaissait tout ce qui compris les gens, l'homme, l'humain, avant que nous-mêmes on puisse le connaître. He was there when God planned everything. Er war da, als Gott alles geplant hat. Il était là quand Dieu a planifié tout ça. Remember, he used to live with God. Erinnert euch, er hat mit Gott zusammengelebt früher. Rappelez-vous qu'il habitait avec Dieu avant. Il vivait avec Dieu. In the inner court. Im engsten Zirkel. Donc, il était un de ses proches. He was very close to God. Er stand Gott sehr nah. Il était très proche à Dieu. And God made him special. That's Lucifer. Und Gott hat ihn besonders gemacht. Et Dieu l'avait créé très spécial. Amen. Ezekiel said, he said, the Lord said, you wear the model of my perfection. You wear the model of my perfection. I made you perfect. Also, in Ezekiel steht, dass der Teufel, also dass Lucifer als Engel perfekt gemacht worden ist. Und in Ezekiel, il est écrit que Lucifer, Dieu avait créé Lucifer parfaitement. It means you wear one of the best I made. That's Lucifer was one of the best God made. Lucifer gehörte zu den besten oder vollkommensten Kreaturen, die Gott je erschaffen hat. Donc ça signifie que Lucifer a été un des travaux que Dieu avait fait, un des plus parfaits. Donc il était très beau, très parfait. Ezekiel 28, verse 17 said he was very beautiful. Ezekiel lesen wir so, dass er sehr schön war. Ezekiel, on dit qu'il a été très, très beau, mignon. He was so good looking. Von schöner Gestalt. And he became proud of himself. Und wurde stolz. Et il a commencé à avoir proud. Il a commencé à être fier de soi-même. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We go there later. Amen. Mm-hmm. The cherub are also important because they are giving authority. Remember who they are. Michael, Gabriel, and Lucifer. Weil ihnen Autorität gegeben wurde. God gave them authority. They can do things without even informing God. Er hat ihnen Autorität gegeben. Sie konnten unabhängig von Gott arbeiten. Donc Dieu avait donné aux archanges. Yes, they are cherubim, they are different from cherub. Cherubim, they are different from cherub. They are not the same. The archangels, they are cherub. They are cherubim. They are not cherubim. Cherub. They are cherub. Okay. The other one, they are cherubim and seraphim. They are different. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Lucifer hat zu den Erzengeln gehört, wozu auch Gabriel und Michael gehört. Let me call them the archangels. Yeah. So that you can get it. Achso, die konnten alleine handeln, unabhängig okay. von Gott. Okay, les archanges, ils ont pu ils pouvaient prendre des décisions. Prendre des décisions, même sans Dieu. The other angels are giving commands. Und den anderen Engel werden einfach nur Befehle geben. Les autres anges, eux, ils recevaient les commandements. But all the archangels, they have authority. Aber die Erzengel haben Autorität. Are you getting something? Les archanges, eux, ils avaient des autorités. They have a will. Sie haben einen Willen. ils avaient une volonté. Are you getting something? And that is why it is important to understand how he could decide to rebel against God. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie Lucifer. Er sich entscheiden konnte. He can command, he can speak to the other angels to obey him, even without informing God. Weil Lucifer eben diese Autorität hatte, war er auch in der Lage, diese bösen Gedanken auf einmal zu hegen. Donc vu que Lucifer avait sa propre volonté, il a pu conquérir même le cœur des autres anges pour l'obéir. These three angels, they were so strong, they were so close to God that, you know, the two remaining the truth. It's only the Lucifer that was out of the truth. Die anderen zwei, Gabriel und Michael, sind in der Wahrheit geblieben, aber Lucifer hat sich für die Finsternis entschieden. Les deux autres archanges sont restés dans la vérité de Dieu, mais c'est seulement Lucifer qui a décidé de tomber avec ses mensonges. He's still everywhere today. You are so used to somebody. You are still, you are in the church. You are doing everything that everybody know you. You just know the in and out. You are so close, but one day rebellion. Und so ist es auch in der Gemeinde, dass durch diese Familiarität dann halt diese Familiarität kann ausgenutzt werden für das Böse. C'est comme aussi à l'église, tu peux être proche avec les membres des églises et un jour ils se détournent vers toi contre toi et commencent à faire la rébellion. But Lucifer left the truth. Aber Lucifer hat die Wahrheit verlassen. Lucifer, il a détourné son dos à la vérité. And therefore he became the first lie and the father of lies. Deswegen wurde er zur ersten Lüge und zum Vater aller Lügen. Et il fut le premier mensonge et le père des mensonges. Father means source, the source of lies. Vater bedeutet die Quelle der Lügen. Père des mensonges, ça signifie la source des mensonges. He is the first to reject the truth. Er war der Erste, der die Wahrheit verweigert hat. Il a été le premier, il fut le premier qui a rejeté la vérité. They are everywhere today. Und die Lügen sind überall. Et maintenant, tous ces mensonges sont partout. Amen. Amen. You know, you can check your life, you are like him. Wir können unser eigenes Leben untersuchen und gucken, ob wir so sind wie er. Tu peux regarder ta vie ici et te demander si tu es comme lui. If you are not different from Satan. Ob wir nicht anders sind als der Teufel. Si tu n'es pas différent du diable. Check those you fight with. Schau dir an mit den Leuten, mit denen du Streit hast. Regarde ce que avec les personnes avec qui tu as. Check your attitude towards Christ. Schau dir dein Verhalten are you getting it? Regarde ton comportement envers les gens et envers Dieu. Check how you attack the truth. Oder untersuche, wie du gegen die Wahrheit vorgehst. Regarde, faut checker comment tu angreifst. Si tu combats la vérité. Check how you attack God's children. Regarde si tu combats les enfants de Dieu. I embrace your own desire. Und deinen eigenen Wünschen nachgehst. Et que tu continues à suivre tes propres volontés. Let's go to Ezekiel 28. Ezekiel 28. Praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel 28, Vers 13. Ezekiel 28, 13. Here talked about Eden. Hier geht es um Eden. Il parle de Eden. He said, thou hast been in Eden, the garden of God. Amen. Amen. Let me quickly help you to get what Eden means. Eden bedeutet. Eden, ça signifie. The word Eden here does not mean just a garden. Eden bezieht sich nur auf einen Garten. Eden, a garden on earth. Ein Garten, der auf Erden ist. Eden, c'est pas seulement un jardin. Eden is an Hebrew word. Eden ist ein hebräisches Wort. Eden, c'est un mot hébreu. It means the moment or the presence of the Lord. Es bedeutet der Moment oder die Präsenz Gottes? Das signifie le moment ou la présence de Dieu. Eden, ça signifie la présence de Dieu. He was always in the presence of the Lord. As when he was Lucifer. In der Präsenz Gottes, als er noch Lucifer war. Donc ça signifie quand il était encore Lucifer, il était toujours dans la présence de Dieu. Amen. What this means is that God said to him, you were not only prophetic, because God called him the model of profession, because he was so beautiful. But you were also in my presence all the time. Gott sagt hier, er war nicht nur vollkommen und schön, sondern er war auch immer in der Gegenwart Gottes. Dieu dit ici qu'il est, il n'a pas seulement été parfait et très beau, mais là aussi toujours été dans la présence de Dieu. You were always before me, around me, anywhere I am. Ah, look at something. Tu étais toujours proche de Dieu. I place you in my presence. Said the Lord. Ich habe dich in meiner Gegenwart gesetzt. J'étais mis à ma auprès de moi, à ma présence. He was in God's Eden. Er war in Gottes Gegenwart. Donc tu étais dans mon Eden, donc. Eden means the presence of the Lord. Eden bedeutet die Gegenwart Gottes. La présence de Dieu. Doesn't mean a place or a garden somewhere. Amen. Das heißt nicht ein Garten oder ein Ort irgendwo. Eden, c'est pas un jardin quelconque. Praise the Lord. Hallelujah. Anytime God created present, he called it Eden. Let's go to Psalm 91. Psalm 91. Chaque fois que Dieu crée une présence, il appelle ça Eden. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 91. Anytime God creates a present, you know, this is all present. Where he can be meeting you, call it Eden. Amen. Wenn Gott einen Ort erschafft, an dem er dich. Was war das? 91. Sobald Gott einen Ort erschafft, an dem er dich treffen kann, nennt er diesen Ort Eden. Chaque fois que Dieu crée un lieu, un moment où il peut t'approcher, il appelle ça Eden. He says, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. 91, wo? Just one. Okay, Entschuldigung. Qui s'abrite auprès de du Très-Haut repose sous les protections du Tout-Puissant. Remember, in Genesis 2, the Garden of Eden was not because of the trees. Are you getting something? It was not because of the trees, animal, they were there. It was because God was always present there with them. Coming there to meet them. That was why it was called Eden. I don't know if you are getting it. It does not mean there was no garden, but why it was called Eden does not. It means because God was always there to meet with them, and not because of the trees or whatever was there. Es war nicht Eden, weil dort Blumen, Pflanzen, Bäume waren, sondern Eden wegen der Gegenwart Gottes. Donc on comprend que à travers ça, on comprend que le jardin d'Eden, c'était pas Eden parce qu'il y avait des arbres ou des plantes. C'était Eden, c'était un jardin d'Eden, c'était parce qu'il avait la présence de Dieu, que que Dieu lui-même était là 24 heures sur 24. Praise the Lord. Amen. Again, the Garden of Eden does not mean because of the trees or things the Lord created before he created Adam. Amen. Was anderem, was er erschaffen hat, bevor er Adam erschaffen hat. Donc jardin d'Eden, c'est pas pour les arbres. The Garden of Eden means his presence. Der Garten von Eden ist seine Gegenwart. Encore une fois, c'est sa présence. Was in that very place. I look at it something. Mm-hmm. Amen. Now we are always in the Garden of Eden. Jetzt sind wir immer in der Gegenwart Gottes, denn er lebt in uns. Et maintenant, comme il vit en nous, on est toujours dans le jardin d'Eden. Now we are always in God's Eden. Jetzt sind wir immer in Gottes Gegenwart. On est toujours dans la présence de Dieu. Because 247, he said, I will not leave you, I will not forsake you. Weil er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Parce que il a dit 24 heures sur 24, il ne va pas nous laisser. Nous abandonner. It means where he was always meeting with them. Dort war ich immer mit ihnen getroffen. With Adam. Amen. God placed his presence on the planet when he created man. Gott hat seine Gegenwart auf diese Erde gebracht, als er Eden erschaffen hat. Dieu avait ramené sa présence ici sur terre quand il avait créé le jardin d'Eden. And that spot became Eden, and God put man in that spot. Und dieser Ort wurde Eden und where he can be meeting him. Gott hat die Menschen dorthin platziert, damit er dort die Menschen treffen kann. Donc ce milieu qu'il avait créé pour où il avait placé les gens, il avait appelé ça Eden. Praise the Lord. Alléluia. The Bible said that Lucifer was anointed. Die Bibel sagt, Lucifer war gesalbt. La Bible dit que Lucifer a été oint. Go to Ezekiel 28. Let's go back. Ezekiel 28. He said he was anointed. Il var gesalbt. Il est écrit que Lucifer était oint. Praise the Lord. Ezekiel 28:14. We said, thou art the anointed cherub. You see there? Cherub. Not cherubim, but cherub. Amen. Yeah. That cover it. And I have set thee so. Thou art upon the holy mountain of God. Praise the Lord. Hallelujah. To anoint means to enable or giving ability to. Gesalbt heißt befähigt. Befähigt. Mm-hmm. To enable. To empower you. Être au moins, ça signifie qu'on te donne une capacité, capacité de faire quelque chose. Okay. Praise the Lord. To give ability to. Amen. Einem die Möglichkeit geben. Dann donner quelqu'un la capacité de faire quelque chose. This angel was given the power to God's holiness. Dieser Engel wurde something? Wurde Heiligkeit Gottes gegeben. Donc cet ange-là, on l'avait donné la capacité d'être saint comme Jésus. We are anointed today. Wir sind auch gesalbt. Nous aussi aujourd'hui on est. He gave us power to hear his voice. Er gab uns die Kraft, seine Stimme zu hören. Deswegen können wir ihn verstehen. Er hat die Puissance, d'écouter sa voix. That's why you are hungry of the truth. You are anointed. Weil deswegen sind wir hungrig auf die Wahrheit, weil wir gesalbt sind. On a faim de la vérité parce qu'on est loin. The reason why you can hear his voice. Deswegen können wir seine Stimme hören. C'est la raison laquelle on peut. To know him. Ihn zu kennen. Pour lui connaître. Amen. Amen. We are anointed. Wir sind gesalbt. On est oint. It means we are given the power to know the truth. Heißt, uns wurde die Kraft gegeben, die Wahrheit zu kennen. Das signifie qu'on nous a donné la puissance de connaître la vérité. To know Christ and have love relationship with the only true God. Um Christus zu kennen, eine Liebesbeziehung mit Christus zu haben. De connaître la vérité et d'avoir une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Amen. Amen. He was also ordained. That's Lucifer. Lucifer war auch gesalbt. Lucifer a été aussi oint. He was placed to be ordained. He was given order. He was placed in a position or order of a relationship so close to God. He was ordained. Er war gesalbt und deswegen hatte er auch die Möglichkeit, so close, ordained. Il a été in a circle, it was always there. Il a été once, c'est pour cela. If you are not ordained, you cannot be there. Il a été once, c'est pour cela il avait la possibilité d'être si proche avec Dieu. There is God, there is the cherubs. We have God and we have the cherubs. Donc on avait Dieu, on avait les cherubs. Praise the Lord. Amen. He was ordained next to God. Er war gesalbt direkt nach Gott. Il a été loin après Dieu directement. After God, the weirdness. Nach Gott waren sie die. Are you getting something? Après so Dieu, close. Après Dieu, c'est like des assistants. Die Assistenten. C'était comme des assistants de Dieu. Amen. Amen. He came from the inner circle. Er kam von meinem inneren Kreis. Donc il venait du cercle. He was next to God. Er war, er stand Gott am nächsten. Praise the Lord. Hallelujah. He was in charge of the fine art in heaven. Er war für die Kunst im Himmel zuständig. Donc il était responsable. Fine art and music. Il était responsable de la musique et de l'art. Für Kunst und Musik war er zuständig. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Lucifer, who is now Satan. Lucifer, der Satan geworden ist. Lucifer, qui est devenu Satan. And his demons. Und seine Dämonen. Have one big dream. Haben einen großen Traum. Lui et ses démons, ils ont un rêve, un grand rêve. And this dream is very, very big for them. Dieser Traum ist sehr wichtig für sie. Et ce rêve, c'est vraiment trop gros pour, très grand pour eux. Since they cannot rule heaven. Weil sie den Himmel nicht regieren können. Vu qu'ils peuvent plus régner sur le ciel. They have been kicked out to nowhere. Sind sie ins Nirgendwo verbannt worden. Donc on les a rejetés du ciel. They are looking for where to rule. Sie suchen nach einem Ort, den sie beherrschen können. Ils sont en train de chercher une place où régner. Praise the Lord. Amen. Don't forget he wanted worship from the beginning. Vergiss nicht, dass er von Anfang an Herrschaft wollte. Donc faut pas oublier qu'il voulait dès le commencement, il voulait être adoré. And that was his number one desire. To be worshipped. Zu priesen werden. Das war sein größter Wunsch. Être adoré, c'était son premier vœu. And he has to get to somewhere so that somebody can worship him. Look, I don't know if you are getting something. Irgendwo sein, wo ihn Leute anbeten können. Vu que c'était son désir, il devrait être quelque part. Il voulait être quelque part où on peut l'adorer. Are we there, please? He has to get to somewhere for someone to worship him. Er muss irgendwo hingehen, wo Leute ihn anbeten. Il doit partir quelque part où les gens vont l'adorer. He cannot operate here on earth legally without a body. Aber er kann hier auf Erden nicht funktionieren. Il ne peut pas marcher sur terre sans avoir un corps. And so the number one goal of every demon is to possess a body. Deswegen haben Dämonen das Ziel, Menschen so that he can operate here. In Besitz zu nehmen, damit sie hier arbeiten können. Et c'est pour cela les anges leur premier un de leurs travail c'est de travailler vers les humains avoir un corps. Remember what the Bible calls your body. Rappelez-vous ce que la Bible dit. The Bible said that your body was made for God and God for your body. Die Bibel sagt, dein Körper wurde für Gott gemacht und Gott für deinen Körper. La Bible dit que ton corps a été créé pour Dieu et par Dieu. He said your body is the temple of the Holy Spirit. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. And not the temple of the unholy spirit. Und nicht ein Tempel des unheiligen Geistes. Et pas le temple de l'esprit qui n'est pas saint. Your body is going to, you know, he is going to choose. You are going to choose who use your body, who go through you. Wir müssen entscheiden, wer unseren Körper nutzt. Tu vas être déjà décidé qui va travailler avec à travers ton corps. The Bible said that it should be the temple of the Holy Spirit and not the unholy spirit. Unser Körper sollte der Tempel des Heiligen Geistes sein und nicht der Tempel der Dämonen. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit et pas le temple des démons. We give him his body. We give him our body all the time. In so many ways. Wir geben den Dämonen so einen Körper auf unterschiedliche Weise. Mais on donne au diable notre corps dans chaque dans des circonstances différentes. You can't offer God children without your body. Er kann Kinder Gottes. I don't know if you are getting something. Er kann Kinder Gottes nicht bekämpfen ohne seinen Körper. Il ne peut pas combattre les enfants de Dieu sans notre corps. Praise the Lord. Hallelujah. He needs your body so much. Er braucht deinen Körper. Il a donc besoin de notre corps. Anytime you take decision, you are going to choose who to use your body. Wenn wir eine Entscheidung treffen, müssen wir wählen, wer unseren Körper nutzt. Chaque fois qu'on prend des décisions, on doit choisir qui va travailler à travers notre corps. And that's why people really know what fornication is. How Satan go through them to do his job. You will run away from fornication. Wir wissen, was alles macht mit unserem Körper, c'est pour cela, si on savait ce que le diable est capable de faire à travers la fornication avec notre corps, on n'allait pas être capable de le faire. Amen. Amen. Amen. The Holy Spirit also needs a body. Der Heilige Geist braucht auch einen Körper. Le Saint-Esprit a aussi besoin d'un corps. Without your body, you can do nothing. Oh, dein Körper kann hier nichts tun. Sans notre corps, le Saint-Esprit ne peut pas aussi travailler ici, sur terre. Remember Genesis 3, verse 1. Erinnert euch an 1. Mose 3, vers 1. Rappelle-toi à Genèse 3, verset 1. Satan needed a body. Der Satan brauchte einen Körper. Le diable a eu besoin d'un and corps. The serpent gave him one. Und die Schlange hat sich ihm hingegeben. Et le serpent lui a donné son corps. If you also remember Matthew 16. Wenn wir uns an Matthäus 16 erinnern. Et si tu te rappelles de Matthieu 16. The Holy Spirit spoke through Peter. And the next minute Satan, you know, he went through Peter's body. Und in einer Sekunde hat der Heilige Geist durch Petrus gesprochen, aber dann wieder der Teufel durch ihn. Dans un moment, il y a le Saint-Esprit qui a parlé à travers Pierre. With your words. Dans l'autre moment, c'est le diable qui a parlé à travers lui. With your words, Satan can use your body. No, Satan can, you know, he always speak through us. Kann der Teufel unseren Körper benutzen, er redet durch uns. À travers tes paroles, le diable peut travailler à travers toi. And that's why whatever is coming from you is going to be either from the Holy Spirit or from Satan himself. Si was immer von dir kommt, wird entweder vom Heiligen Geist oder vom Teufel kommen. Donc ça signifie que tout ce qui vient de toi, même tes paroles, ça vient ou soit du Saint-Esprit ou du diable. The Bible says death and life, they are in your tongue. Die Bibel sagt, Tod und Leben sind in deiner Zunge. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. He did not say, okay, there is something that is different. He said death or life. Tod und Leben. Il dit la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. And that's why God children, to speak, you have to, you know, you have to know what you are saying. Deswegen müssen wir wissen, wenn wir sprechen. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on doit faire attention et savoir ce qu'on dit. Because somebody is going to use your body. Niemand wird deinen Körper benutzen. Go through you. Wird durch dich gehen. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va travailler à travers ton corps. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan is a spirit. Satan ist ein Geist. Le diable est un esprit. He lives in the atmosphere. Er lebt in der Atmosphäre. Il vit dans des atmosphères. And he has a body in that atmosphere. Und er hat einen Körper in dieser Atmosphäre. Et dans cette atmosphère-là, il a un corps. But he cannot use that body here on earth in the physical earth. Aber er kann diesen Körper in dieser physischen Welt nicht nutzen. Mais il peut pas utiliser ce corps dans le monde physique ici. He is illegal here. Er ist illegal hier. Avec ce corps là, il est illégal ici. He needs a clean body to be here. Er braucht einen irdischen Körper, um hier zu sein. Il a besoin d'un corps terrestre pour. But in also in that atmosphere have a body. Aber in dieser Atmosphäre hat er einen Körper. Malgré ça, il a un corps dans cette atmosphère. But that body is not useful here. Aber dieser Körper ist hier nicht. Are you getting something? Funktioniert hier auf Erden. Le corps qu'il a là-bas, c'est inutile ici. Please read 1 Corinthians 15. The whole of 1 Corinthians 15 talks about different bodies. Lest euch bitte 1. Korinther 15 durch, da geht es um verschiedene Körper. Da, donc, à la maison, lisez 1 Corinthiens 15, hein? Ja. 15, lisez ça, c'est important de savoir les différences du corps. Des corps. Amen. Satan and his demons can do man nothing until they get a body, which is called a suit. Der Satan und seine Dämonen können hier auf Erden nichts tun, erst wenn sie einen irdischen Anzug bekommen. Donc Satan et le diable ne peuvent rien faire dans ce monde s'ils n'ont pas un corps terrestre. Again, remember Genesis 3, 1 and 2. Amen. 1. Mose 3, 1 und 2. Rappelle-toi, And Matthew 16, God and Satan spoke through Peter. Are you getting something? Matthew 16. Matthew says. Wo Gott und der Teufel durch Petrus gesprochen haben. Là où Dieu et le diable ont parlé à travers Pierre. Do you know how many times our body has been a vessel for Satan? Do you know how many times? But thank God for Jesus. Est-ce que tu sais combien de fois ton corps a été un vaisseau? Un vaisseau pour le diable. That you are born again does not mean you cannot use your body. Seulement parce que tu es né de nouveau, ça signifie pas qu'il ne peut pas utiliser ton corps. That you go to church does not mean Satan cannot use your body. Dass du zur Kirche gehst, heißt nicht, dass der Teufel deinen Körper nicht nutzen kann. Seulement parce que tu pars à l'église, ça signifie pas que le diable ne peut pas utiliser ton corps. There's a difference between believers and churchgoers. Es gibt einen Unterschied zwischen Gläubigen und Kirchengängern. Donc, il y a une différence entre les croyants et les gens qui partent seulement à l'église. There's a difference between a son and a servant. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn und einem Knecht. Tout comme il y a une différence entre un enfant de Dieu et un servant de Dieu. There's a difference between praise the Lord. Hallelujah. A disciple and a son. Zwischen einem Jünger und einem Sohn. Il y a aussi une différence entre le disciple et un enfant de Dieu, un fils de Dieu. That you are born again, filled with the Holy Spirit, does not mean Satan cannot use your body. Dass du wiedergeboren bist und bist mit dem Heiligen Geist, heißt nicht, dass der Teufel deinen Körper nicht nutzen kann. Que tu es né de nouveau et loin du Saint-Esprit, ça signifie pas que le diable ne peut pas travailler à travers toi. Remember Deuteronomy 30. Erinnert euch an 5. Mose 30. He said, you choose who to use your body. Wie entscheiden wir unseren Körper nutzen? Rappelle-toi à Deuteronome, il dit que we choose. Hein? On choisit. Nous, on choisit qui travaille à travers nous. You choose who to go through you. Wie entscheiden wir, durch uns arbeitet? On choisit qui travaille à travers nous. Praise the Lord. Alleluia. Through our choice, decision. Amen. Durch unsere Entscheidungen. À travers nos décisions. It gives Christ or Satan our body. Unsere Entscheidungen geben dem Teufel oder Gott oder geben dem Teufel Jesus unseren Körper. Nos décisions donnent au Dieu ou au diable la possibilité de travailler à travers nous. Your choice of friends. Unsere Freunde. Those you call your friends. Through your relationship with people, you give him your body to use. Durch deine Beziehungen gibst du dem Teufel deinen Körper. À travers nos relations, on peut aussi donner notre corps au diable. Through your relationship with people. Through your thought. Durch deine Gedanken. À travers nos relations avec les gens, à travers nos pensées. If you are under law, if you give him your body to go through. Wenn du im Gesetz bist, gibst du dem Teufel auch deinen Körper. Si tu es dans la loi, tu donnes aussi au diable la possibilité de travailler. If you are not believing him, Christ. If you are not believing Christ, you are living in fear. Genauso wenn du in something is using your body. In Unglauben oder Angst arbeitest. Même quand tu travailles avec la peur, tu donnes aussi la possibilité au diable. Through your desire. Durch unsere Wünsche. À travers nos désirs. Through what we seek. Durch das, was wir sehen. À travers ce qu'on est en train de chercher dans ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder Matthew 6:33. Jesus says, seek first the kingdom of heaven. Kein Wunder, dass Jesus sagt, wir sollen in Matthew 6:33 erst nach dem Königreich. Et c'est pour cela, Dieu dit en Matthieu 6 qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu avant de chercher les histoires terrestres. Because if you are seeking things, he is using your body. I don't get this something. Parce que si on regarde les histoires terrestres, c'est le diable qui travaille à travers nous. He did not tell you to seek things. He says seek first. Amen. Wir sollen nicht nach Dingen suchen, sondern nach dem Herrn, nach seinem Königreich suchen. Donc, faut pas chercher les choses, faut chercher Dieu. He said, all these things, all of that, they will be added unto you. You seek. Allow Christ to be, allow your body to be a vessel for Christ. You are seeking Christ. Faut vouloir que ton corps soit un verset, vaisseau pour Jésus-Christ, pour Dieu. He said, these things, that is Matthew 6:33, these things, what are the things? Was sont les dinge? Qu'est-ce qui sont les choses? What the world seek. Was die Welt sucht. Ce que le monde cherche. They seek to pay bills. Sie suchen danach, Rechnungen zu bezahlen. They seek to pass. Ils cherchent de l'argent pour... Are you getting something? Pour payer leurs factures. Ils cherchent de passer leurs examens. Let's go to Matthew 6. Maybe we'll close there because of... Okay. On va voir Matthew 6. Praise the Lord. Matthew 6. So that we round up. Amen. Matthew 6. Verse 33, he said, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. You see that? Yeah. He did not tell you to seek them, those things. He said, you seek me, and those things will seek you. Yeah. Matthieu 6:33, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et toutes les choses vous seront données en plus. Praise the Lord. Hallelujah. What are the things? Was sind die Dinge? Qu'est-ce que sont les choses? Look at verse 31 and 32. 31 et 32. Regardez verset 31. It says, therefore take no thought, say, what shall we eat? Don't seek what to eat, what to drink. What shall we put on? Or how are we going to pay the bills? Qu'est-ce que vous allez habiller? Vous allez vous habiller ou payer vos factures? What are we going to wear? Qu'est-ce que vous allez vous habiller? Verse 32. For all these things, do the Gentiles seek? For your Father, Heavenly Father, knoweth that you have need of these things. Verset 32. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin. You know, our babies, we have children here. They will not seek things. On a des enfants ici à l'église. Ils ne cherchent pas les choses. Their father know that they need them. Are you, parents need that. Are you getting something? Ils ne se préoccupent pas, mais ils savent que leur père sait de ce qu'ils ont besoin. It's not heal me, heal me, heal me. Nicht, wir betteln nicht Heilung. On ne cherche pas d'être guéri. He knows that you are. It is good for you to be here. Er weiß, dass es gut für dich ist, that's why he did it. On lui demande pas de nous he has done it. Parce qu'il sait schon für dich getan. Parce qu'il sait que c'est bien notre guérison. Il a déjà fait. Il a déjà accompli. Praise the Lord. Hallelujah. You know, no wonder Jesus said, "Until you are like this little child, you are not there." Because you'll be full of worries. You will see things. Dit qu'on doit être comme des petits enfants qui se préoccupent pas des choses de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be careful of what you value. Wir müssen uns in Acht nehmen von den Dingen, die wir wertschätzen. Donc, faut faire attention de quelque chose, de nos des choses qu'on désire. Give Satan body or Christ body. Through your value. Gibt dem Teufel einen Körper oder Jesus Christus einen Körper. Donc, à travers nos désirs, on donne ou au diable ou à Dieu notre. Through what you hate and what you love. Durch das, was wir hassen, das, was wir lieben. À travers ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Through those you admire. I don't know. Those you admire. You know we clap for people. We don't want to be like them. Qu'on admire. Praise the Lord. Amen. You know we don't want to be like them. We don't admire them. On les admire, on veut être on comme eux. Satan. Wir bewundern damit den Teufel. Mais quand on les admire, c'est païen. On est en train d'admirer le diable. Praise the Lord. Alleluia. You compare yourself to them. Vergleichst du mit ihnen. Je compare avec eux. Don't compare yourself with dead people. Vergleiche dich nicht mit toten Menschen. Faut pas te comparer avec les gens déjà morts. Jesus said you are dead. You are alive. Jésus dit que eux. If they are going to church, that does not make them God's children. Wenn sie zur Gemeinde gehen, heißt nicht, dass sie Kinder Gottes sind. Même s'ils partent à l'église, ça ne fait pas qu'ils sont ça ne leur fait pas d'être enfants de Dieu. And if you would have got children, be satisfied with Jesus. Même s'ils sont les enfants de Dieu, toi, sois satisfait avec Jésus-Christ en toi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So we will close here, please. Because of when we start from ici. Here on. On Sunday. Amen. On va continuer ici le dimanche. Praise the Lord. Amen. No,